J'suis de nationalité française de l'Occitanie par mon cœur d'agrémie écossaise de Jamaïque côté fumeur de nationalité française de l'Occitanie par mon cœur d'agrémie écossaise de Jamaïque côté fumeur côté fumeur côté fumeur côté fumeur, côté fumeur. Mais l'uniforme n'ira jamais à toute la planète. Diversifions nos horizons, la terre entière en est faite. J'aime cultiver le multilinguisme, la multiculture et le sens du tourisme. Celui qui dit accueille tes voisins, peu importe la couleur de leurs mains. La couleur de leurs mains, la couleur de leurs mains, la couleur de leurs mains. Nationalité française de l'Afrique, toujours solidaire. Pour qui mais je les mauvaises apatistes réfractaires. Nationalité française de l'Afrique, toujours solidaire. Pour qui mais je les mauvaises apatistes réfractaires. Zapatistes réfractaires. Zapatistes réfractaires. Zapatistes réfractaires. J'aime découvrir les autres façons d'être un peu moins con, un peu moins bonchon. Parce qu'ici, on ne fait que juger, alors jugez-moi le premier. Un peu d'ici, beaucoup d'ailleurs, il faut arriver à faire taire nos peurs à enfin partager nos cultures, admirons les délices de chaque ethnie. Devenons tous complices, devenons tous complices, devenons tous complices, devenons tous complices. Nationalité française assimilée provençale légale à la hollandaise surtout internationale. Nationalité française assimilée provençale légale à la hollandaise surtout internationale. Internationale. Internationale. Internationale. La mondialisation chez moi c'est ça. Ne pas savoir de quel pays vient mon repas. Juste apprécier la diversité et rendre hommage aux cuisiniers. De toute façon qu'importe nos divergences, que l'on soit d'ici d'ailleurs ou même de France, on finira tous six pieds sous terre. Le temps est court, il y a tant à faire. Il y a tant à faire. Il y a tant à faire. Il y a tant à faire. Nationalité française assimilée provençale légale à la hollandaise surtout internationale. De nationalité française de l'Afrique toujours solidaire. Pour qui bégeux les mauvaises zapatistes réfractaires. Zapatistes réfractaires. Zapatistes réfractaires. Zapatistes réfractaires. J'suis nationalité française de l'Occitanie par mon cœur. Avec la vie et côté de Jamaïque côté fumeur. Nationalité française de l'Afrique toujours solidaire. Pour qui bégeux les mauvaises zapatistes réfractaires. Nationalité française de assimilée provençale. Nationalité foutaise, les passeports dans les braises, les frontières on les baisse, voyageons comme à notre aise, en chacun de nous, il a révolte sous pression, on les baisse, si les révoltes crions, notre envie les passer les charters de nos sociétés. Nationalité foutaise, les passeports dans les braises, les frontières on les baisse, voyageons comme à notre aise, nationalité foutaise, les passeports dans les braises, les frontières on les baisse, voyageons comme à notre aise, nationalité foutaise, les passeports dans les braises, les frontières on les baisse, voyageons comme à notre aise, nationalité foutaise, les passeports dans les braises, les frontières on les baisse, voyageons comme à notre aise.